prends la main, tu fais du bien. Prends les yeux qui font du bleu, mets ton cœur sur un refrain. Si tu croises mon chemin, 3 minutes pour te faire oublier le métro, le boulot et puis la télé. Des paroles pour chanter, de la musique pour te guider. 3 minutes pour te faire oublier. 3 minutes pour te faire repenser à tout l'amour que tu peux encore donner. Une belle histoire peut encore une fois exister si tu choisis comme moi l'amitié. Prends la main qui fait du bien, prends les yeux qui font du bleu, mets ton cœur sur un refrain. Si tu croises mon chemin, 3 minutes pour te faire regarder que le soleil se lève toujours le matin. Mais faudrait pas oublier que l'amour ça fait du bien. Si tu veux ce soir on va s'aimer. Prends la main. Sur un